Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et aussi 23h, s'il faut vous le dire deux fois. Cette semaine, des villes transformées par l'exil, mes voisins, les migrants. Une série de Raphaël Kraft, réalisée par Guillaume Baldi. Au départ de cette série, il y a ces barques qui coulent avec leurs passagers dans la Méditerranée. Ces familles sidérées qui dorment dans les rues parisiennes, ces jeunes gens qui se perdent dans la neige et la nuit en traversant les Alpes, et ces bidonvilles éphémères sur la côte d'Opale. Et puis il y a l'envie de voir ce que ces itinéraires et ces installations provisoires changent dans nos vies et dans nos villes, et jusque dans l'économie et les modes de vie d'un petit port de pêche. Alors pour commencer, les personnages, un navigateur, un guide de musée, deux pêcheurs qui ne pêchent rien, d'autres pris à la gorge, un patron pêcheur, d'autres qui migrent ou qui deviennent passeurs, 68 rescapés, un homme qui esquive les réponses, des passeurs professionnels, un fils chômeur malgré ses études, un homme qui a dû trafiquer et des policiers complices du trafic. Ensuite, le décor, les étoiles pour se guider, des barques, la traversée vers Lampedusa, des mobilettes, un archipel, une palmeraie, des crabes partout, les dégâts de la pêche intensive, des dorades trop petites, des taches de peinture, une pêche à la palme, des nasses, des bateaux usés, d'autres volés, la pêche illégale, un naufrage, un rêve européen qui s'écrase et un retour à la case départ. Aujourd'hui, dernier épisode, on est dans la rue. Kerkena, l'archipel du passage. Un documentaire de Raphaël Kraft et Guillaume Baldi avec Malek Al-Khadraoui. بعد نشدو عنا نمرو أربعة يزمنا نصلولو يعني نصلولو أربعة بعد عنا نجمة. Avant, pour immigrer vers Lampedusa, avant les GPS et la technologie en général, on partait avec l'embarcation depuis l'Oued. الخمسة وأربعين تاعنا فما بوستاسيون نسنا ندكر لحظة شنيا وقتها. Il fallait ensuite suivre l'étoile numéro 45 en faisant un détour pour éviter les patrouilles de la garde nationale. من هنا الأربعة ومن الأربعة نعطوا شوية للشارع هذي بعد نشدوا صور ديريكت Donc on partait de là, de la numéro 4, puis on descendait un peu de ce côté, et ensuite c'était la 45e jusqu'à atteindre Lampedusa. Quand on voyait des lumières, on essayait de se mettre à l'écart, le tout sans bosson. Et grâce à Dieu, on se retrouvait à Lampedusa, sain et sauf. On choisissait toujours le moment du départ en fonction des conditions météorologiques. Avant, on n'avait pas les applications et les sites de météo. On se référait aux étoiles, aux nuages, au taux d'humidité, etc. pour prédire le temps. Dieu merci, je n'ai jamais eu d'accident lors de mes voyages. Arrivée du ferry en provenance de Sfax, au port de l'île de Melita, à l'extrême ouest de l'archipel de Kerkena. C'est la première étape pour les candidats au passage vers l'Europe. Avec plus de 20 000 départs depuis 2011, l'archipel de Kerkena est la principale plateforme de départ de la Tunisie vers l'île italienne de Lampedusa. Le développement d'une pêche illégale et la présence de plateformes gazières au large de l'archipel a entraîné la raréfaction des ressources halieutiques. Pour vivre, des pêcheurs se convertissent au passage ou vendent leurs bateaux à bon prix aux passeurs. Longtemps artisanal, notamment quand il fallait permettre l'exil aux opposants du régime de Ben Ali, le passage est devenu une ressource à part entière pour l'archipel. Avec la corruption, le système est devenu mafieux et peu regardant sur la vie des candidats au départ, remplissant toujours plus leurs embarcations. L'une d'elles a coulé dans la nuit du 2 au 3 juin dernier, entraînant la disparition de plus d'une centaine de personnes. C'est dans ce contexte que nous sommes arrivés dans l'archipel. Ferri Abdelhamid, professeur d'université. Alors, vous êtes là dans un espace, un complexe, où il y a un centre de recherche sur les îles méditerranéennes. Puis, en 2004, on a inauguré le musée comme étant un deuxième élément dans ce complexe. C'est où les îles Kerkena? Et c'est, géographiquement, c'est quoi? Les îles Kerkena, c'est une étendue de 40 km. Il y a 13 villages. On est là devant une carte. C'est la carte qu'on a proposée au ministère de la Culture. On fait 4, surtout chef-lieu Ramla, et les deux autres, Melita et Ataï, qui sont vraiment des villages où il y a une vie active et prospère un peu et tout ça. Mais pour le reste, c'est des petits villages où l'ensemble de tous les villages ne donne que 14 000 habitants. Il est situé où, cet archipel, par rapport à la Tunisie? On est aux confins de la zone semi-aride, c'est-à-dire on est à 20 km de Sfax, 11 de la côte. Ouais. De la côte. Et c'est, comme vous pouvez le connaître, on est dans une zone de climat semi-aride, avec une grande influence, bien sûr, méditerranéenne. Et ce type de climat se répercute sur, tout d'abord, les activités agricoles, qui sont vraiment très pauvres, très limitées. Et là, on a une palmeraie, elle est très importante, c'est une palmeraie... 150 000 palmiers à peu près. Et le chiffre qu'avancent les chercheurs, c'est 400 000. Le palmier a quitté, ou bien il est un peu sorti du, disons, de rouage économique. Elle n'est plus utilisée comme avant et tout ça, voilà. Cette insularité, c'est elle qui a forgé un peu l'esprit kerkénien, comme tous les îles. C'est-à-dire des gens qui se sentent un peu à l'écart du continent. Et puis, les kerkéniens ont appris à vivre, je parle des siècles écoulés, hein, avec tout ce qui existe sur leur archipel. C'est-à-dire... ici à Kharkna, il y a des types de roches calcaires tendres qui permettent une construction facile de maisons. Et c'est bien sûr avec tout ce que donne la mer, c'est-à-dire pour tout ce qui est alimentation et tout ça, les gens vivaient dans une certaine fermeture où on essaie d'arriver à une autosuffisance qui donne lieu à une vie dure et difficile. La particularité de cet archipel, c'est que bon, il est sur le plateau continental et puis il est entouré de hauts fonds qui a suscité, depuis des millénaires, j'imagine, l'invention d'une technique de pêche, la charfia. La charfia, les pêcheries fixes, oui. Oui. Comment ça se passe? La charfia, c'est une installation faite à partir de produits du palmier, c'est-à-dire des palmes. En enfance, et quand on trace, on peut, je peux vous montrer ça si vous voulez, quand on peut se déplacer. C'est-à-dire. On plante sur les hauts fonds. Sur le fond, des installations où il y a un schéma qui est bien étudié par les RS, c'est-à-dire les capitaines spécialistes, où on respecte, où on donne beaucoup d'importance aux basses et hautes marées parce qu'il y a un mouvement. Sud de l'archipel de Kerkena, embarquement avec Ahmad et Jamal, pêcheurs locaux. Ça, c'est le schéma de la pêcherie fixe, comme je vous l'ai dit. Une installation, au moins sur 400 mètres. La charfia. La charfia, où il doit avoir ses cloisons hein, faites par le palmier. Et on ajoute encore des clés, ça on l'appelle clé. Et le poisson, parce que là ça doit être étudié, hein, et celui qui installe ce charfière, c'est un spécialiste, on l'appelle Reis Rmou, Rmou c'est-à-dire installation. Et ces installations permettent aux poissons et aux mollusques et tout ça d'entrer dans cet espace cloisonné pour aller dans un espace qu'on appelle dar, c'est-à-dire maison, et qui se termine par des portes qui laissent entrer dans des chambres. Et à la fin de chaque chambre, on trouve des nasses où les poissons entrent et le pêcheur vient une fois tous les deux jours, parfois même trois, pour prendre les produits qui sont capturés dans ces cages, en quelque sorte. Il n'y a que des crabes, c'est ça? Ils s'appellent Daesh ici. Un petit poisson. Ah. Un petit poisson. Ils sont arrivés quand, les crabes, Jamal? نمسح ما دالي قبل كنت بهذا كان تقى فيها 3 كيلو حوت 4 كيلو واحد كنت ناقص زوز 4 كعبات قرنيت 3 كعبات 4 كعبات قرنيت والدرين قبل قبل توما اللي عملوها الكيس والدرين بلاستيك هما اللي خلاو البحر كل اصل كمل الداش الله غالب حد ما قال هما الداش وفكرونا فكرونا كراب Bon, il pouvait remonter jusqu'à 3 kilos de poisson dans une seule nasse, quelques poules. Et aujourd'hui, il y a presque, c'est la même image qui se répète, c'est des crabes qui envahissent un peu tout, depuis 2 ans à peu près. C'est la conséquence, selon lui, de la pêche intensive avec les kisses. Les kisses, donc le chalut, qui a un peu raqué tous les fonds de la région. Pourquoi vous l'appelez Daesh, le crabe? ياكل الحوت الكل ياكل الشوابي ياكل الشوابي يعني يقضي على الدنيا يقضي على الحوت الشوابي كعبت البيقة هناك قراب في درجين ياكلها الكل بشوكها بشوكها بشوكها ياكلها Parce qu'il est vorace en fait et il bouffe tout sur son passage. Quand il se retrouve au même temps dans les nasses avec des poissons, en 2 minutes il peut arriver à manger tout un loup de 1 kilo en 2 minutes. Et donc on l'appelle DH parce qu'il mange tout. C'est bien sûr en référence à l'État islamique. Absolument. Monsieur DH. DH, ok, drin. Daesh, quand ils pêchent à la traîne, ils ne laissent plus grand-chose derrière eux. Et c'est devenu notre quotidien à nous, les pêcheurs. On ramasse les restes. Avant, on ramassait les restes de la pêche illégale, puis les restes de la pêche illégale et de la pêche à la traîne. Aujourd'hui, on doit se contenter des restes de la pêche illégale, de la pêche à la traîne et de Daesh. Le pêcheur est foutu. Tout le monde va lâcher la mer. C'est pour ça qu'ils vendent leurs bateaux aux passeurs, pour limiter les pertes. Ceux qui ont investi dans un bateau et travaillé toute leur vie n'ont plus leur chance aujourd'hui en mer. Attention, on fait... Donc là, on a des petites dorades, des crabes, beaucoup de crabes, et puis des vives. Le crabe, c'est azid, ça fait ça. Petite dorade, mais la valeur de ça est 3 dinars. Mais le rat, le vrai rat, c'est 40 dinars. Le rat, 40 dinars. Mais ça, elle est très cardinale, Maxime. Ouais, c'est des toutes petites, ouais. Non, c'est grand. Je mets la zi. Est-ce que la pêche a été bonne aujourd'hui? Non, non, je sais. Voilà, je sais. Match rend kerbel, maintenant match intège kerbel. La pêche n'a pas été bonne, le rendement n'est plus comme avant. Qu'est-ce que vous avez pêché et combien ça va vous rapporter? Je dis que je ne fais pas de chasse. Ça ne nourrit pas, ça ne nourrit à peine deux personnes, donc c'est rien du tout comme pêche, ça n'a aucune valeur en fait. Vous êtes propriétaire vous-même de charfia? Lui, il loue sa charfia, mais ils ont des charfia à eux, mais plus loin du village. Mais lui, personnellement, il loue une charfia ici, sur, à côté de, son, de sa maison. Charfia est belle. On te voit trop de charfia belle. عندي أعز خدمة أنا في البحر هي charfia. C'est une technique qui ne nécessite pas beaucoup de travail, en fait, à part au début où il faut planter les palmes. Et même planter les palmes, ça se faisait avec les gens du quartier, avec les gens du village. Donc les gens s'entraident, ça ne coûte pas d'argent finalement d'installer une charfeya. Les nasses étaient faites justement de alpha et de branches de palmiers. Du coup, elles laissaient passer les petits poissons, elles respectaient l'équilibre de la mer. Les palmes de la charfeya aussi est un lieu de pente pour les poissons qui les protège du vent, des marées. Du coup, ça elle entretient son propre écosystème en fait. Et dans la charfeya, il y a toutes sortes de poissons. Ça va du poulpe à tous les types de poissons qui existent dans la mer ici. D'ailleurs, il y a même un plat qui s'appelle la charfeya parce que c'est un plat qui regroupe plusieurs variétés de poissons et elle est productive toute l'année, même quand ils ventent, quand les conditions ne sont pas propices, et un jour sur deux le pêcheur peut aller et ça fait nourrir sa famille, ça lui ramène ce qu'il lui faut en fait pour lui et pour entretenir les siens. Quand est-ce que vous avez commencé à pêcher? Il a commencé à l'âge de 13 ans. À l'époque, c'était la mer rapportait beaucoup de richesses, des variétés de poissons. Et il arrivait à en vivre avec sa famille, mais depuis l'arrivée du kis, du plastique, des moyens de pêche un peu plus sophistiqués, il ne reste plus rien. Il arrive à se nourrir de son travail, mais ça ne lui rapporte plus rien. Est-ce que vous avez... vous-même, observez les conséquences négatives des plateformes pétrolières au large de Kerkena sur votre pêche? Oui, alors bien sûr, il a constaté l'impact des sociétés pétrolières et des plateformes offshore, principalement ceux qui exploitent du pétrole, parce que les fuites sont assez régulières, même si c'est des petites fuites, mais... d'une manière régulière, du coup ça impacte directement les charfeyas, ça impacte le milieu naturel des poissons qui n'arrivent pas à bien respirer. D'ailleurs ils le constatent des fois après des fuites, de voir des poissons qui essayent de remonter à la surface pour pouvoir respirer sans énormément de contrôle justement sur ces micro-fuites ou ces fuites permanentes qui empoisonnent la mer selon lui. Alors, pas quoi les scorpions. Messieurs, à votre santé. Vous venez de la maquine? L'agmé, hein? J'ai des palmes. J'ai des palmes. L'agmé. J'ai des palmes. Vous êtes plein de peinture là sur votre visage. Ça vient d'où? J'étais en train de peindre mon bateau. Bonsoir, Asdi. Bahar. Mansour Azdin, pêcheur. Vous êtes pêcheur depuis quand? 40 ans. Vous avez commencé à quel âge de pêcher? J'ai commencé à l'âge de 14 ans. Vous êtes un fils de pêcheur, un petit-fils de pêcheur, un arrière-petit-fils de pêcheur? Mon père, mon grand-père, mes oncles sont tous des pêcheurs. Au Nad Azdin, en général, ce village est constitué principalement de pêcheurs. Dans le passé, l'école était loin d'ici, donc très peu de gens d'ici ont fait des études. Donc ils étaient ils travaillaient tous dans la pêche et un peu d'agriculture. Pourquoi vous avez décidé, vous, de continuer à pêcher selon les méthodes traditionnelles de la charfia ? En fait, on n'a pas d'alternative ici que d'utiliser cette méthode ancestrale, mais en même temps, la cause de tous les malheurs des pêcheurs ici, c'est bien la pêche intensive et ces nouvelles techniques de pêche, la pêche au kiss, qui fait que au chalut, sur 2 kilos de poissons vendables, il y a 10 kilos qui partent à la mer. Alors que le poisson de charfia est beaucoup plus, a plus de valeur déjà sur le marché, parce que c'est un poisson qui est calibré. Et en plus, les utilisations des techniques modernes, illégales, feraient de lui un criminel, ce qu'il ne veut pas être. Est-ce que c'est devenu une source de tension dans l'île ? Ça a créé beaucoup de problèmes sur l'île et ça date même de l'époque de l'ancien régime, le régime de Ben Ali. Tous les 15 jours, ils étaient obligés d'aller se plaindre au gouvernorat ou à la mairie du passage des bateaux qui utilisent cette technique, qui arrachent leurs filets, qui endommagent les charfias. Et ça continue aujourd'hui à se reproduire et ça crée énormément de tensions sur l'île. Nedji Dider, patron pêcheur avec l'un de ses employés. Tu faisais de la pêche illégale, même si maintenant à Kerkena ils acceptent de travailler avec toi. Moi personnellement, quand je te vois. Ne me juge pas. Si, je te juge, toi et tes semblables. Ne me juge pas. Écoute, je suis au courant de tes activités passées. Non. Si, comme la majorité des marins qui travaillent avec nous aujourd'hui et qui n'ont arrêté la pêche illégale que par manque de moyens. Même à Djerba, c'est la même chose. Si, à Djerba, tu travailles, ça fait partie de la Tunisie. Tu travailles où tu veux. Toi, tu parles de soutien. Moi, je te dis que le soutien pour l'île de Kerkena donnera des résultats. Pour ce qui est des autres endroits, tu veux faire de la pêche illégale. En ce qui me concerne, j'aimerais bien qu'on vous soutienne et que vous arrêtiez. On est d'accord que ça ruine tout le monde, oui ou non? Vous rejetez les poissons à la mer par milliards chaque jour, oui ou non? Nous, on n'a jamais travaillé comme ça. On travaille avec les NAS. Impossible. Parle pour toi. Moi, je connais des marins qui sortent avec nos enfants quand ils ne peuvent plus faire de l'illégal. Ils viennent tous ici, la majorité faisait ça avant. Bateaux qui font de la pêche illégale. Oui, moi je sais qu'ils sont là aujourd'hui. Parmi eux, il y a même des enfants de l'île qui ont arrêté parce que c'était pas un travail honnête. Je n'en suis pas responsable. Oui, je sais, on ne fait que parler, ami. Hein. En ce qui me concerne, si j'étais au pouvoir, je condamnerais à la peine capitale ceux qui font ça. C'est un grand fléau pour tout le monde, pour nous les pêcheurs et pour la Tunisie, l'Italie et la France. Ça nuit à tout le monde. Vous ne voyez pas tout ça, vous. Vous ne restez que 4 jours pour travailler et puis nous, on subit les conséquences. Avec la volonté de Dieu, tout ira bien. Personne ne t'empêche de venir travailler ici. Tu es Tunisien, tu es chez toi et tu es le bienvenu. On veut une loi intransigeante, on veut que ce soit interdit. Ouais, ce sera le cas avec la volonté de Dieu. Lui là qui est en train de réparer son bateau, tu vois bien, il trouve même pas de quoi le réparer. Et certainement pas de quoi en acheter un nouveau. Il faut qu'il soit aidé par l'État. Son bateau est usé, pourri. Il est limité, le bateau est dans un état misérable, sa mécanique aussi. Si tous ces détails étaient pris en compte par l'État, ça empêcherait la propagation du fléau de l'immigration. Il faut soutenir et encourager les marins. Tant qu'ils sont satisfaits, ils ne penseront pas à émigrer clandestinement. Aujourd'hui, l'État est laxiste, même si nous avons été du côté de la police et que nous l'avons soutenu. Le marin n'y arrive plus, il a beaucoup de problèmes. Il faut que nous nous aidions tous et Dieu nous aidera. C'est notre pays et notre destin à nous tous. Nous avons combattu l'immigration ici à Karatan. Aucun bateau clandestin n'est sorti d'ici, même s'ils en ont volé beaucoup. Je m'appelle Neji Dider, pêcheur sur l'île de Karkna, ou Kraten plus précisément. Nous sommes précisément dans la région du Kraten, à l'extrême pointe de l'île de Karkna, au nord-est. Nous avons un port en eau profonde dans la région du Kraten et un autre dans la région de l'Ataya. La profondeur ici varie de 3 à 6 mètres, 4 mètres. Là où on se trouve en ce moment, il y a 5 mètres de profondeur. Le phénomène de la pêche illégale est apparu en 1989, et s'est développé petit à petit jusqu'à devenir un fléau. Ça a commencé à la plage de Sidi Mansour, avec des marins qui ont trouvé que cette manière de pêcher était plus rapide et plus lucrative. Puis ça s'est propagé petit à petit. Certains l'ont dénoncé, mais il n'y a pas eu une véritable prise de position. Et ce sont des usurpateurs qui sont derrière tout ça, des avocats et des médecins parfois. Moi, je connais quelqu'un qui travaille au sein des forces de l'ordre et dont je ne vais pas citer le nom. Il avait à lui seul dans les 9 bateaux de pêche illégaux. Par contre, quand les pêcheurs s'y mettent, ils sont tout de suite arrêtés. Je parle en connaissance de cause. Bien sûr, tout le monde n'est pas à blâmer. Il y a le bien et le mal partout. Seulement, il faut arrêter ces pratiques et soutenir les pêcheurs. On parle de soutien financier et pendant ce temps, les sociétés pétrolières nuisent énormément à la mer. Les éponges feraient vivre toute l'île de Karkna pendant un an. 30 milliards d'éponges. Les 3 ou 4 zones de récolte dont je parle pourraient faire vivre toute l'île en seulement 3 mois. Quand il s'agit de productivité, c'est énorme. L'année dernière, par exemple, en seulement un mois, tout était rasé, il ne restait plus rien. Il n'y avait plus rien. Ils ont envoyé des experts, mais rien n'y fait. Ils savent qu'il y a de la pollution. Ils en connaissent la cause, mais rien ne se passe. Et au final, c'est quoi? C'est le pêcheur qui en fait les frais. Je vais essayer de t'expliquer pourquoi je parle de soutien financier. Pas seulement d'aide sous forme de filets de pêche. Non. Quand aujourd'hui le pêcheur ne trouve même pas de quoi payer l'électricité ou l'assurance et qu'il est incapable de faire vivre sa famille dignement, il subit des pressions monstres. En ce qui concerne par exemple les migrations clandestines, les pêcheurs se font voler leurs bateaux au port, des bateaux qui leur coûtent 20 000 dinars tunisiens. Et là je ne cherche pas à justifier ou quoi que ce soit, mais plutôt à étudier les causes des problèmes. Au lieu de se faire voler ou d'entretenir des bateaux qui vont couler, certains choisissent de les vendre eux-mêmes à 30 000 dinars, au moins pour qu'ils en tirent aussi quelque chose. D'autres fabriquent des bateaux illégalement. Aujourd'hui, il y a plein d'embarcations non identifiées. Et maintenant, les propriétaires de ces bateaux, quand ils ne peuvent plus faire émigrer les gens, ils se rabattent sur la pêche illégale. La douleur du deuil et l'attente insupportable. Une à une, les familles des victimes récupèrent les corps de leurs proches. C'est ici, à Sfax, qu'ont été ramenés par la marine tunisienne les 68 rescapés et les corps de ceux qui n'ont pas survécu au naufrage. Repérés en mer au large des îles Kerkena par des pêcheurs, puis pris en charge par la garde maritime, les survivants hospitalisés, certains blessés, d'autres choqués, commencent à raconter le drame. Le bateau avait une capacité de 75 à 90 personnes maximum, mais on était entre 180 et 190 à bord. On pouvait toucher l'eau avec nos mains et de l'eau rentrait dans le bateau. Je ne savais pas jusqu'où l'eau arriverait. On est resté là jusqu'à presque 5 heures du matin. Puis les pêcheurs sont venus pour nous aider et ensuite l'armée est arrivée. Avec le naufrage survenu début juin, qui a provoqué la mort de près de 90 personnes, la disparition d'une trentaine d'autres, on dirait qu'on, comme la pêche, on est passé d'une dimension artisanale du passage ici à une dimension plus organisée, je ne vais pas dire industrielle, mais différente en tout cas. Ce genre d'opération est très rare sur l'île et c'est criminel pour lui. Donc, c'est-à-dire l'intention criminelle est là dès le départ. Mettre 180 personnes sur un bateau qui n'en prend que 30 au maximum est déjà un acte criminel par lui-même. Et à la limite, même si tu prends de l'argent des gens pour les faire traverser, la moindre des honnêtetés, la moindre des choses, c'est les faire arriver. Donc c'est pas, la question, c'est pas de pas pouvoir faire arriver les gens, c'est juste que c'est plutôt des réseaux criminels qui font ça et qui n'ont pas réellement, ils s'en foutent un petit peu des conséquences et des gens qui sont sur les bateaux. Ahmad, votre neveu qui était avec nous ce matin sur le bateau, et qui est un pêcheur aussi, lorsqu'on lui a demandé où il avait appris à aller jusqu'à Lampedusa en bateau, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, il nous a dit que c'était son oncle, vous-même, qui lui avait tout appris. Moi, je lui ai appris la mer ici, pas d'aller jusqu'en Italie. Et Ahmed, il a beaucoup appris par lui-même aussi. Il a pris tout ce que je lui ai appris, mais il a énormément développé ses compétences. Et c'est vraiment quelqu'un qui, parmi les personnes qui connaissent le mieux cette route-là, il en est à une dizaine de fois, plus que cinq. Moi, je lui ai appris à naviguer sur les mers de Qarqna, pas au-delà. C'est un aventurier, Ahmed. Oui, oui, pas seulement pour le passage, surtout tout ce qu'il fait dans sa vie est une aventure. Pourquoi vous avez décidé de devenir passeur en 1997? Le passeur, c'est le harak, n'est-ce pas? Celui qui fait passer les gens. Dans ce cas, il y a erreur. Je ne suis pas un passeur. À Kerkena, on réunissait un groupe de personnes qui n'avaient plus rien à faire dans ce pays, comme c'était mon cas. J'ai arrêté les études très tôt et j'ai suivi un mauvais chemin depuis ma jeunesse. Donc, on se regroupait et nous étions ceux qui allions passer. Mais on ne faisait passer personne. Il y a une différence entre les passeurs d'avant et ceux d'aujourd'hui. Avant, on se regroupait et on volait le bateau pour faire le passage, puisqu'on n'avait pas les moyen d'en acheter un à 18 000 dinars tunisiens. On le volait et on partait entre amis. La seule victime était le propriétaire des bateaux. Mais on ne prenait pas d'argent. On n'était pas payé. Des fois, il arrivait qu'on demande à quelqu'un de payer le prix des carburants. Maintenant, c'est une autre affaire. C'est un niveau professionnel, organisé, avec des rabatteurs, etc. Et donc vous, vous n'avez toujours pratiqué cette activité que pour faire passer des copains, que pour passer vous-même? Je n'ai effectué de passage que pour y aller moi-même, avec des amis. J'ai même emmené des gens avec moi gratuitement. Je voulais juste arrêter de souffrir et aider ceux qui étaient dans la même situation que moi. Je ne pouvais pas profiter de gens qui vivaient la même souffrance que moi. Ce n'était pas grave si une ou deux personnes nous accompagnaient gratuitement. Il arrivait qu'on prenne de l'argent, mais pas de la manière dont ils font les choses aujourd'hui. C'était une sorte de service qu'on se rendait entre amis, étant donné la difficulté des passages sous Ben Ali. On ne pouvait même pas acheter des carburants sans combine. Maintenant, c'est beaucoup plus facile avec la corruption de certains policiers et agents de la garde nationale. C'est devenu tellement facile que c'est devenu tout un trafic, un réseau professionnel. Ce n'est plus comme avant. Des gens qui veulent passer et cherchent des personnes pour leur payer le carburant, bah, c'est devenu un travail de professionnel. Ce qui va nous contraindre à nous replier sur le bizarre, en l'occurrence le jus de palme fermenté. Ce qui fera peut-être chanter... C'est notre ami. عمري خالد اسمي خالد عزيم عمري 34 سنه دبلومي en conducteur projet qualité je travaille chez mon père pour aider dans la mare. Où est-ce que vous avez fait vos études? Vous avez dû quitter l'île de Kerkena, j'imagine, pour faire vos études. J'ai fait mes études jusqu'au bac à Kerkena et après je suis parti à Sfax, à l'ISET, qui est un institut de technicien supérieur. Est-ce que vous avez trouvé du travail après vos études? Là, j'ai fait des demandes dans une entreprise. Il a fait beaucoup de demandes, il a envoyé beaucoup de CV, mais les sociétés préfèrent en fait former leurs commerciaux à faire aussi ce type de travail. Comme ça, ils leur font faire deux tâches à la fois, que d'employer des personnes spécialisées dans la certification. À quel âge avez-vous terminé vos études et depuis combien de temps êtes-vous chômeur? En 2010, j'ai terminé mes études. Il a terminé depuis 2010 et depuis il est au chômage. Et qu'est-ce que vous faites pour survivre? Je travaille à la mer avec mon père à la pêche et j'essaie de l'aider. Est-ce que ça vous plaît ce que vous faites? Là. On n'est pas vraiment content parce qu'il estime qu'après 20 ans d'études entre primaire, secondaire et supérieur, se retrouver à travailler la mer, surtout quand on ne l'a pas voulu, n'est pas forcément quelque chose qui lui fait plaisir. Et puis le travail de la mer est très difficile. Là, c'est l'été, donc c'est plus ou moins agréable, mais l'hiver, avec le froid, les conditions météorologiques, ce n'est pas un travail du tout facile. Il a du mal à l'accepter, d'autant plus qu'il l'a pas vraiment voulu. C'était pas, ça faisait pas partie des choses qu'il avait envie de faire. Votre jeune fils est là, dans la petite cabane. Vous avez peur qu'il parte en Europe, qu'il veuille partir en Europe? Oui, bien sûr, il a vraiment peur de ça, il en parle beaucoup avec lui, il essaie de lui dire à quel point ça ne vaut pas vraiment le coup, il essaie aussi de mettre tous les moyens au service du confort, de bien-être de son enfant pour qu'il ne se sente pas dans le besoin et qu'il pense à partir, mais c'est quelque chose qui lui fait peur. Al khatr kunt farj fi rayoun. Je regardais Rai Uno et je voyais combien la vie était facile en Italie. L'argent, les belles filles, etc. Que des choses qui font rêver. La télévision induit en erreur, bien sûr. Quand j'y suis allé, j'ai trouvé complètement autre chose. J'ai dû dormir dans la rue. Puis petit à petit, j'ai intégré le business de la drogue pour pouvoir manger au début. Je me suis mis à vendre et m'agrandir jusqu'à atteindre un bon niveau. Bien sûr, c'était illégal, bien sûr, mais je ne pouvais rien faire d'autre. Je n'arrivais pas à trouver un travail halal, c'est-à-dire légal. On allait à Agrigente et un homme devait venir nous voir pour nous trouver un emploi. Il choisissait toujours ceux qui étaient bien bâtis, baraqués. Moi, je sortais de prison et j'étais tunisien. J'avais les mains délicates. Je n'ai de ce fait jamais été choisi. Je n'étais pas destiné à travailler dans la légalité. J'ai donc dû me rabattre sur le trafic de drogue. Quand j'ai été arrêté, on m'a retiré mes papiers. J'ai donc été obligé de revenir en Tunisie. Je suis resté 8 mois ici et je suis reparti encore une fois. Je suis retourné en Italie illégalement puisque je n'avais plus de papiers. Avec l'argent, j'ai acheté des voitures et j'ai continué avec la drogue. Au bout de 8 mois, je suis revenu en Tunisie. Je n'avais plus besoin de papiers. Ce que j'avais vécu là-bas me suffisait largement. Mais malheureusement, j'ai dilapidé tout l'argent que j'avais ramené avec moi en 6 mois. Jamal et Ahmed, le soir, dans leur cabane de pêcheurs. Tu crois vraiment que je vais en Italie pour une fille? Ce n'est pas du tout pour ça que j'y suis allé la première fois. Pour l'argent alors? Parce que la vie est devenue trop dure pour moi ici. C'est vrai que tu traversais une crise, tu as eu raison de partir à la base. Quand je suis parti, mes conditions se sont améliorées, tu sais bien. Personnellement, moi je vis dans de bonnes conditions. Pourquoi j'irai en Italie? J'atteins les 50 dinars par jour, ou 40, ou 20. Attends, si Ahmed, chacun de nous peut gagner au moins 20 dinars par jour. Ok, 20 pour 20. 20 dinars, tu achètes une bouteille d'eau 60 centimes ou 50 centimes, du pain 23 centimes. Et un paquet de cigarettes. Un paquet de cigarettes, bon, moi je fume pas. Tu vois, c'est ça le truc, c'est selon les personnes. Ça coûte combien? Toi, tu as besoin de combien? Ça ne fait plus vivre. Pardon? Le travail dans les chantiers ne permet plus de vivre. Parce que tu serais payé combien en Italie? Pour acheter un pantalon, il te faut 2 mois de salaire au moins. En Italie, ou tu te lances dans la drogue, ou tu fais rien. Non, aujourd'hui, il y a du travail. Mais non, il n'y en a pas. Le pain en Italie, c'est 5 dinars pièce. 5 dinars. Ici, c'est 20 centimes. Et tu me parles d'Italie? La Tunisie. Mais le salaire en Italie est différent, mon cher. Quand tu travailles dans les règles, tu peux atteindre... Combien tu peux atteindre? 400 euros. Ici, c'est 20 centimes. En Italie, c'est 5 dinars le pain. Ok. Supposons qu'en Italie, tu sois payé 50 euros par jour. 80 euros. Bon, 80 euros. Combien coûte la baguette de pain? 5 dinars. Combien coûte une boîte de sardines, le truc de misérable? C'est juste ce que je raconte ou pas? Une boîte de sardines, une boîte de harissa, quelques olives, des œufs. Bon, ok, il y a la pizza. 10 dinars. Qu'est-ce que balance? L'Europe a sauvé beaucoup de personnes. Avant, on partait pour s'enrichir. Avant l'euro. Avant l'euro, l'Italie, c'était le paradis. L'Italie après 2001, novembre 2001, a complètement changé. Personnellement, je me faisais 15 millions par jour. Depuis l'euro, c'est devenu 1 000 euros. 2000 euros. L'arrivée de l'euro a tout changé. Avant, on était très aisé. Supposons que je sois resté en Tunisie, est-ce que j'aurais eu une voiture? Tu peux t'acheter une voiture, toi? Peu importe ta profession, les jeunes qui bossent aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent s'acheter une voiture? Ton fils peut-il acheter une voiture? أربعة جيلي متاع الكهرباء اللي جبتها من إيطاليا في العام 97 و 98 خاطر البوليتيك اللي جبتهم ما نجمش نشريهم في زوز حياتات نخدم فيهم نخدم وكل واحد ما نجمش نشريهم أحمد تنجم تشري كهرباء أنت أحمد خلينا من الخدمة سمعت خلينا من اللي عندك وش ما عندك نجم كهرباء شباب تو يخدم يجيب كهرباء نجم نشري كهرباء أنت سامحني أنت كلمة نفسك سوي برك Excuse-moi, je vais te poser une seule question. Tu t'es acheté 4 voitures, c'est ça? Où est-ce qu'elles sont? Tu veux dire que je les ai aidées de manière peu orthodoxe? Donc elles sont parties de la même manière. Et si je te disais qu'il y a plein de gens comme moi qui ont encore carrément des immeubles? T'inquiète pas, leur temps viendra. Sur la tombe de mon père, ils seront fichus. Si c'est pas eux, ça sera leurs enfants. لا لا أفرزيت مش حكاية حلال يا سي سي سي سي زمان مالك حكاية إيطاليا تبدل الحياة سيما لا لا لا لا شو Il ne s'agit pas ici de halal ou non. Là, on parle du fait que l'Italie peut complètement changer ta vie. Je suis parti avec Omar en 8 mois. On s'est fait 110 millions en 8 mois. Où est cet argent aujourd'hui? Personnellement, 110 millions me suffiraient pour toute la vie. J'aurais mon propre bateau, ma maison. Oui, moi je me suis éclaté à l'époque, j'ai mal géré ma vie. Je n'avais personne pour m'encadrer ni me contenir. Regarde, si Malek, mon argent est halal, ces 50 dinars resteront dans ma poche une semaine. Lui, même s'il avait un million, il les dépenserait sur le champ. Makram m'a juré sur la tête de son père qu'au cours d'une seule soirée, il dépensait 3 millions. Moi, 50 dinars me suffisent pour la semaine. Je dépense, je mange, je vais à la pêche et je rajoute encore de l'argent. C'est de l'argent bien acquis, tandis que l'argent de la drogue part dans le vent. C'est vrai ou pas ce que je dis? Ça met combien de temps pour aller de Kerkena jusqu'à Lampedusa? Entre 14 et 18 heures. Comment ça se passe techniquement un passage? Parce qu'il y a... Il faut d'abord arriver du continent jusqu'à l'île. Il faut passer des contrôles et ensuite comment ça se passe? Tous les intermédiaires jusqu'au voyage. Aujourd'hui, un passage se déroule de la manière suivante. La première étape, c'est les rabatteurs. Les passages qui partent de Kerkena ont la réputation d'aboutir en général. Ça, c'était avant le dernier accident. Tout le monde en entendait parler sur Facebook, etc. Donc la plupart des gens qui veulent partir cherchent à le faire depuis Kerkena, grâce à la bonne réputation des passeurs, qui sont connus pour prendre au sérieux toute l'affaire et qui transportent les gens de manière sécurisée, et grâce aussi à la relation avec la garde nationale qui, comme je le répète, et j'ai mes preuves, est un acteur majeur du trafic. Donc le rabatteur parle à ceux qui veulent faire le passage du capitaine Intel, son ami de Kerkena. C'est le rabatteur qui s'occupe de tout. Le capitaine, finalement, ne fait que conduire, que piloter. En quelque sorte, le rabatteur fait du commerce sur le nom des capitaines et c'est lui qui ramène les gens à Sfax. Avant, il traversait depuis Sfax normalement, sans aucun problème. Je veux aussi insister sur le fait que les passages avant atteignaient rarement les 30 personnes. Maintenant, c'est devenu 30, 60 personnes sur une même embarcation à cause des gardes nationaux qui forcent les gens à ne traverser que d'un seul lieu, Sidi Mansour, pour qu'ils prennent leurs 50 dinars de commission. Avant, ceux qui voulaient atteindre Kerkena le faisaient facilement et ils avaient le choix des embarcations. S'ils trouvent que c'est trop rempli, ils en cherchent une autre. C'était bien comme ça, bien plus logique. Maintenant, la garde nationale veut aussi sa part. Donc, ils utilisent le fait que le Tunisien n'est pas libre de circuler dans son pays en empêchant les gens d'aller à Kerkena. C'est devenu un réseau mafieux. Arrivés ici, les migrants cherchent généralement à louer une maison pour se loger avant le départ. Si dans le temps, la maison pour 15 à 20 personnes coûtait 60 dinars, aujourd'hui, avec le pot de vin, la somme atteint 70, voire 100 dinars. Abdelhamid Ferry, en votre qualité d'observateur privilégié de la vie de Kerkena, comment pensez-vous que les Kerkeniens ont vécu ce terrible naufrage du 2 juin 2018 et comment le gouvernement a-t-il réagi? Vous savez, moi je parle des gens de mon entourage. Oui, c'est très bien. Bon, d'abord c'était une grande catastrophe. Et puis nous, on le savait. On savait très bien qu'il y a des mouvements très très suspects, que la police, hein, je sais bien, je souligne, hein, la police en tant qu'instance, hein, c'est-à-dire les gens de sécurité de tous les niveaux, sont pour beaucoup dans ce qui est arrivé. On ne peut pas penser, hein, que 120 ou 200 viennent du côté de Melita. Pour préparer ça, il faut des journées, hein. Et que la police, qui sait très bien qu'est-ce que je vais manger à midi, hein, n'ont pas une idée de impossible. Et puis, il y a toujours, on parle de quelqu'un qui est derrière ces actions. D'abord, la sécurité est, je parle de façon police pour dire la sécurité nationale, était derrière... Vous dites responsable ou complice? Je dis complice, plutôt. Parce que responsable... Je dis complice. Ouais. Enfin, je ne cherche pas à choisir mes mots, mais c'est des complices, c'est des magouilleurs, c'est des gens qui cherchent le petit sou, sale ou peu importe. Vous voulez dire qu'une telle entreprise, c'est-à-dire auparavant Kerkena faisait du passage à l'échelle artisanale, par des pêcheurs expérimentés, parfois contrebandiers également, comme partout dans le monde, et que là, 160 personnes sur un bateau, ça relève d'un autre niveau, et que pour ce faire, on est obligé de lâcher quelques pots de vin. Je pense, hein. Je pense que on n'a pas cherché comment l'expliquer, hein. Ces organisateurs de fuites clandestines, de départs clandestins, sont bien couverts, entre parenthèses, par les autorités qui devaient les déclarer, qui devaient... c'est clair. On voyait, moi-même, lorsque je monte sur le bateau, je vois 6 ou 7 Africains qui parlent à peine la langue française et qui ne pouvaient pas avoir quelque chose d'intéressant à Kerkena, sauf chercher la fuite. C'était clair, hein, à l'œil nu, hein. Que dire pour des policiers qui faisaient l'aller de retour à vivre? Ça d'une part, et puis d'autre part, je mets tout ce qui arrive, ces catastrophes, sous la responsabilité de l'État tunisien. Si la machine ne tourne pas à toutes les échelles, l'agriculture, le commerce, c'est des gens qui ont en quelque sorte ont mis tout le pays dans une crise. Et aujourd'hui, vous vous êtes rangé? Aujourd'hui, je travaille dans l'agriculture. Un ami m'a donné son tracteur que j'utilise pour labourer et irriguer les terres. Je suis aussi électricien, à mes heures perdues. Et bien sûr, il y a toujours la mer. J'arrête de travailler les 3 mois d'été quand les enfants sont là. Dieu soit loué, je travaille. C'est l'essentiel. C'est vraiment par malheur, je ne m'en sortais plus. Je referai un passage pour 8 mois, histoire de me refaire. وزين ما دي ما يعجبني وخلاني مبين C'était Kerkena, l'archipel du passage, avec les voix de Moussa Lechili, Rafik Zénine et Yacine Bouzard. Mixage Alain Joubert. Remerciements au webzine tunisien Inkifada. Un documentaire pour LSD de Raphaël Kraft et Guillaume Baldi avec Malek Al-Khadraoui. Migrants, passeurs, solidaires, habitants de la jungle ou marins sur l'Aquarius, LSD, la série documentaire, s'est terminée pour cette semaine. Et si vous voulez traverser la Méditerranée, bibliographie, liens, mais aussi nous podcaster en Tunisie ou nous réécouter avant de partir, eh bien tout ça, c'est sur la page de l'émission, sur le site de France Culture. Et les pages, c'est grâce à Marivonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc et même sur Instagram, LSD La Série Documentaire. Et toujours nous podcaster sur un tas d'autres plateformes. Et la semaine prochaine, eh bien la semaine prochaine, on ira se replonger dans l'affaire du petit Grégory. Mais demain, à la même heure, c'est grand reportage. Et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end de France Culture, une histoire particulière et une vie, une œuvre.